surgit toutes les salades que te fournit la télé. Tu as le choix, tu peux choisir la plus grosse bise qui va le mieux t'enculer. Pour lutter contre un chier, Panthère va voter. Quand tu votes en démocratie, tu votes pour un seul parti, celui des riches et politiques et des gentils éduqués pour te gouverner. Les extrêmes sans formation, Aléna donne l'illusion. Tout un chacun, même les crétins, peuvent se présenter, mais n'entreront jamais à l'Élysée.